C'était le jour de la Saint-Valentin, le 14 février dernier. Les amateurs d'astrophysique sont tous tombés amoureux de Bételgeuse, cette super géante rouge, 8e étoile, la plus lumineuse du ciel nocturne, située dans le bras d'Orion, aurait été sur le point d'exploser en supernova, un spectacle que l'on n'a pas observé de mémoire d'astronome depuis 1604. Et pour cause, sa luminosité a chuté de 70% depuis octobre, signe qu'elle était sur le point d'exploser. Là, le commentaire a été comme souvent trop prompt, la luminosité a remonté, mais ces fluctuations de Bételgeuse continuent de nous intéresser. Bételgeuse, ça s'en va et ça revient, c'est le programme intermittent qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour faire le tour de nos connaissances donc sur cette étoile Bételgeuse avec ou sans supernova et promis sans jamais dire son nom trois fois d'affilée, nous avons le plaisir de retrouver aujourd'hui Pierre Carvalha, bonjour. Bonjour. Vous êtes astronome au LESIA, le laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique de l'Observatoire de Paris, et nous sommes en duplex des studios de nos camarades de France Bleu Azur avec Éric Lagadec, bonjour. Bonjour. Vous êtes astronome adjoint, chercheur au laboratoire Lagrange de l'Observatoire de la Côte d'Azur à Nice. Mais avant cela, celle qui a annoncé dès le départ que l'explosion en supernova n'était qu'une option très improbable et qui ne survend jamais ses sujets, sauf quand je l'y oblige, c'est Natacha Triot pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Voilà, et on fait aujourd'hui dans ce journal un point sur les dernières publications autour de l'épidémie de Covid-19 avec un sujet pour commencer. Les mutations de ce coronavirus peuvent révéler la façon, Natacha, dont il se déplace dans le monde. Et quand on étudie le génome d'un virus, et en particulier ses mutations lors de sa réplication, cela permet d'identifier sa rapidité d'évolution, sa vitesse de circulation, mais aussi ses origines géographiques. Grâce à ces petites variations génétiques, les chercheurs peuvent dessiner des arbres phylogénétiques, un peu comme des arbres généalogiques. En ce moment, il y a une polémique qui agite la communauté scientifique et qui est relayée dans la revue Science. Un scientifique allemand affirme que le foyer, qui se déroule en Italie, pourrait avoir une origine allemande. Anne Goffard est virologue au CHU de Lille et chercheur à l'Institut Pasteur de Lille. Pour elle, ces différents génétiques sont à ce jour peu révélatrices. Sur les 100 000 personnes infectées à travers le monde, seules 350 séquences de génome ont été publiées. Il y a polémique en ce moment. La polémique n'est pas tranchée, elle dure encore. Parmi les analyses qu'on fait quand on étudie le virus, donc on voit apparaître des mutations sur les génomes en fonction des personnes qui sont infectées. Et donc ça permet d'étudier la rapidité d'évolution du virus, etc. Il y a différentes études, c'est ce qu'on appelle une branche de la virologie qu'on appelle la bioinformatique et qui permet de faire ces études-là. Le souci, c'est que ces études-là, aujourd'hui, elles sont réalisées sur un très petit nombre de séquences. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui encore, peut-être un peu moins pour les Chinois, mais en tout cas pour les Européens, notre priorité, c'est la prise en charge des malades. Pour l'instant, par exemple, si on veut séquencer le génome d'un coronavirus, c'est 30 000 bases. C'est beaucoup pour un virus, mais c'est pas beaucoup pour les gens qui font du séquençage. Mais ça prend un petit peu de temps, ça prend une semaine. Donc après, il faut vérifier les séquences qu'on a obtenues, il faut les analyser, etc., etc. Donc à la date d'aujourd'hui, il y a peu de séquences de génome qui sont rendues publiques, qui ont été publiées, vérifiées par les scientifiques. Ce qui veut dire que toutes les conclusions qui sont actuellement faites, alors par les collègues allemands et italiens d'une part, mais aussi il y a une semaine ou deux, il y avait un article qui était sorti de Chinois qui disait qu'il y avait deux souches de coronavirus qui circulaient en Chine, etc. C'est encore trop tôt pour conclure formellement là-dessus. Il faut se donner le temps. Bah oui, peut-être que on ne répond pas à la pression médiatique quand on est scientifique, mais voilà, il faut se donner le temps d'accumuler des informations, d'accumuler des données, de les analyser proprement et rigoureusement avant de pouvoir dire comment évolue ce coronavirus-là. Voilà, prendre le temps, regarder avec la tête froide ces publications scientifiques pour vous tenir au courant de l'avancée des recherches, de la recherche scientifique autour de ce SARS-CoV-2, puisque souvenez-vous que c'est le nom du virus, Covid-19 c'est le nom de la maladie, tout ça, vous pouvez le retrouver sur franceculture.fr et on vous met les liens bien sûr sur les études dont nous parlons sur le fil Twitter de l'émission @laméthodefc. Et en bref, une étude qui est parue aujourd'hui dans Annals of Internal Medicine vient de confirmer que la période moyenne d'incubation du Covid-19 est autour de 5 jours, Natacha. C'était l'une des grandes inconnues et l'une des données primordiales pour pouvoir endiguer une épidémie. Donc entre l'infection et l'apparition des premiers symptômes, il faut donc compter 5 jours en moyenne. Cette étude américaine est basée sur 180 cas confirmés à Wuhan en Chine, dont on connaissait la date d'exposition au virus. Les chercheurs estiment que seulement 1% des 10 000 patients développeraient des symptômes après avoir été libéré d'une quarantaine de 2 semaines. Et autre point, même avant l'apparition des premiers symptômes, quelqu'un d'infecté et bien contagieux reste à savoir à partir de quand le virus est transmissible. Et pour stopper la propagation de ce coronavirus, la Chine a définitivement fermé tous ses marchés d'animaux sauvages. Oui, on ne sait pas de façon certaine qui, du serpent, du pangolin ou de la chauve-souris, a transmis le Covid-19 à l'être humain. Mais on sait que la source est un marché alimentaire de Wuhan. Les autorités du pays ont décrété une interdiction permanente. Il est dorénavant interdit de chasser, de transporter et de vendre des animaux sauvages à des fins alimentaires. Cela faisait des décennies que les militants écologistes réclamaient la fin de ces marchés. Et enfin, toute autre étude, cette fois parue dans la revue Consciousness and Cognition, la caféine n'a aucun effet sur la créativité. Et le café a souvent été considéré comme un carburant pour les artistes. On dit que Balzac en buvait 50 tasses par jour. Une équipe américaine a distribué à 80 cobayes des pilules à base de caféine ou des placebos. Ils ont ensuite passé plusieurs tests de concentration, de mémoire et d'humeur. Conclusion, le café ne stimule pas la créativité. Sa consommation n'a aucun effet sur la pensée divergente, qui est lié à la production d'idées créatives. En revanche, boire du café améliore la vigilance, la concentration et la pensée convergente, qui est liée, elle, à la résolution de problèmes. Et on ne posera pas la question si des expériences similaires ont été faites avec du whisky. Merci beaucoup, Natacha. On vous retrouve demain pour le prochain Journal des Sciences. Pas trop de café d'ici là. Allez, la perspective était, il est vrai, trop belle, pouvoir observer en temps réel, sous les lunettes de nos télescopes et de nos observatoires, une super géante rouge explosée en supernova. Pas étonnant que les médias et le grand public se soient emballés, mais après l'emballement, il est le temps de tout remballer, puisque Betelgeuse n'est donc vraisemblablement pas sur le point d'exploser, ou en tout cas pas immédiatement, dans un rien de temps à l'échelle cosmologique, mais ce ne sera pas pour vraisemblablement notre génération, ni pour les suivantes, ou en tout cas jusqu'à preuve du contraire. Néanmoins, ces fluctuations de luminosité de cette supergéante rouge qui a perdu 70% de son éclat entre octobre et février, avant d'en regagner plus de 40, eh bien ces fluctuations sont un objet d'étude passionnant auquel nous avons voulu nous intéresser aujourd'hui, avec donc Pierre Kervala et Eric Lagadec qui nous a rejoint en duplex des studios de France Bleu Azur. Peut-être un mot, l'un et l'autre, cet emballement, il a été un peu démesuré, mais en même temps compréhensible, Pierre Kervala. Oui, tout à fait. C'est vrai que ça a été une forme d'emballement, mais il faut comprendre qu'un événement comme l'explosion d'une supernova produite par Betelgeuse serait un spectacle vraiment extraordinaire à observer. Donc c'est vrai qu'on a envie qu'elle explose par certains côtés, on le souhaite. Mais tout à fait objectivement, c'est vrai qu'on est obligé de se confronter à la réalité et il y a peu de chances qu'elle explose. Éric Lagadec. Oui, c'était vraiment un emballement étonnant qui a été, je pense, amplifié aussi par les réseaux sociaux. Donc il y avait quand même pas mal de... Je me rappelle, plusieurs fois, on a été interviewés, que ce soit moi, Pierre ou Miguel Montargès. On disait clairement qu'il y avait... C'était pas des signes d'explosion. Mais plusieurs fois, les titres ont été... La supernova, Betelgeuse va bientôt exploser. Comme les gens souvent ne lisent que les titres, ça s'est vraiment emballé. Néanmoins, tout n'était pas acheté dans l'information sur Betelgeuse. On peut affirmer qu'aujourd'hui, à l'échelle cosmologique, elle est en fin de vie, Éric Lagadec. Exactement. Non, évidemment, tout n'était pas acheté. La plupart des articles étaient même excellents. Betelgeuse est une étoile supergéante rouge. Donc c'est une étoile massive qui fait à peu près 15-20 fois la masse du Soleil et qui est donc dans ses dernières phases, mais ça pourrait durer encore 100 000 ans. C'est ça, c'est-à-dire que c'est fin de vie à l'échelle cosmologique. 100 000 ans, c'est une échelle... Quel est le degré de certitude, finalement, que l'on peut avoir et comment est-ce qu'on peut l'évaluer, ce degré de certitude de la fin de vie d'une étoile, aujourd'hui, Pierre Kervala? Avec quel degré de certitude? Alors, c'est une bonne question. Et en fait, c'est une question très difficile parce que, en termes de physique des étoiles, le paramètre principal qui détermine l'évolution et donc la durée de vie d'une étoile, c'est sa masse. Et dans le cas d'une étoile comme Betelgeuse, déterminer sa masse, c'est un exercice extrêmement difficile. Ce n'est pas une étoile qu'on sait être binaire, donc on ne peut pas utiliser le mouvement des deux étoiles pour estimer sa masse. Donc on est obligé de se référer à nos modèles d'évolution qui eux-mêmes sont assez incertains. En fait, la masse de Bétalgeuse, on ne la connaît pas très bien. On pense que c'est peut-être 15 masses solaires, mais ça peut être 10, ça peut être 20. Ce qui est quand même un delta important. Ce qui est une grande différence et qui change sa durée de vie. Donc on ne sait pas exactement, effectivement, Éric Lagadec citait 100 000 ans, c'est un ordre de grandeur tout à fait réaliste, de l'incertitude qu'on peut avoir sur la prochaine explosion supernova de Bétalgeuse. En revanche, ce qui est à peu près sûr, Éric Lagadec, c'est que, et puis alors surtout avec les dernières observations, la supernova à l'échelle de la proximité temporelle humaine, c'est-à-dire un claquement, un microseconde à l'échelle cosmologique, ça n'est pas pour demain, quoi. Pas pour Bétalgeuse. Des supernovas, on en a observé cette nuit, on a observé la nuit d'avant, il y en a vraiment régulièrement. Mais Bétalgeuse, en tout cas, ce qu'on a vu là n'est pas lié à une future explosion de supernova. On va voir qu'on va chercher à comprendre tout de même les raisons de ces baisses et de ces hausses de luminosité, et que c'est presque au moins aussi intéressant, voire plus, qu'une supernova. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. L'émission consacrée donc à cette étoile Bételgeuse Alpha Orionis tout au long de cette heure en compagnie de Pierre Carval et Éric Lagadec. On va faire une belle carte d'identité parce que Pierre Carval, on ne connaît pas certes la masse de Bételgeuse, mais on connaît beaucoup d'autres choses. On sait bien la décrire, elle est observée depuis très longtemps. Et d'ailleurs, même ces fluctuations de lumière, elles sont observées depuis plus d'un siècle. Oui, absolument. On connaît bien Bételgeuse pour une raison simple, c'est que c'est une étoile extrêmement brillante qu'on voit très bien à l'œil nu. Donc, elle a été observée même avec des petits télescopes d'amateurs depuis des centaines d'années, hein, et même à l'œil nu auparavant. On sait beaucoup de choses sur cette étoile et en fait, il nous manque presque l'essentiel, on va dire. On sait par exemple sa taille, hein, on sait que c'est une supergéante. On a mesuré sa taille grâce à des instruments très précis qu'on appelle des interféromètres. Donc, on a pu mesurer qu'elle faisait à peu près 1000 fois la taille de notre Soleil, ce qui est une dimension assez extrême dans le domaine stellaire. On a aussi estimé sa distance par le déplacement apparent qu'elle réalise sur le ciel au cours de l'orbite de la Terre au cours du Soleil, donc sa parallaxe. On a pu mesurer qu'elle est à 700 années-lumière environ. Et quand on regarde sa luminosité apparente, c'est-à-dire vue de la Terre, et qu'on connaît sa distance, on peut estimer qu'elle est à peu près 100 000 fois plus brillante que le Soleil. Donc c'est vraiment une étoile assez extrême, hein, qui est à peu près dans les 0,1% plus brillante étoile de la galaxie. Donc c'est quand même une étoile extrême. Et inversement, on ne connaît pas très bien sa masse, qui est pourtant le paramètre qu'on souhaiterait connaître. Voilà. Alors, comment expliquer justement, Éric Lagadec, quand on rappelle que c'est effectivement l'une des étoiles de la constellation d'Orion, qui ravit les astronomes amateurs, parce qu'effectivement, on la repère facilement avec sa ceinture, etc. Mais comment expliquer que pour une étoile aussi brillante, sur laquelle on dispose tout de même d'un certain nombre d'informations, on n'arrive pas. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué de connaître sa masse, en fait, simplement? En fait, ce qui est compliqué, c'est de déterminer sa distance. Que cette étoile, justement, elle est variable. Donc, si vous voulez, pour déterminer une distance, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise, comme disait Pierre, c'est la parallaxe. La parallaxe, vous regardez, la Terre tourne autour du Soleil. Donc, si on regarde une étoile au printemps et à l'automne, on ne la verra pas sur un même angle. Imaginez, vous faites l'expérience, fermez un œil, regardez le bout de votre nez, fermez le deuxième œil, vous verrez votre nez selon un autre angle. Et pas mal d'auditeurs de France Culture auront regardé leur œil. Viennent de le faire nez. À l'instant. Voilà. Moi, le premier, c'est parti. Mais du coup, ce qu'il y a avec cette étoile, c'est que la variation de position due à la pulsation de l'étoile est plus grande que l'angle qu'on essaie de mesurer. Donc du coup, c'est quelque chose de très difficile. Donc on a un satellite qui s'appelle Gaïa, qui est en train de faire la parallaxe, donc des mesures de distance pour plus d'un milliard d'étoiles dans la galaxie. Mais c'est très compliqué pour ces étoiles, même si elle est assez proche. Oui, parce que Pierre Carvalhal disait environ 700 années-lumière. Moi, j'ai lu 642, qui est une mesure plus précise. Mais plus précise, avec quel degré de précision, Éric Lagadec? En fait, il y a plusieurs différentes méthodes, différentes mesures. En fait, moi, le chiffre que j'ai en tête, je ne parle pas en années-lumière, c'est en parsec, c'est 222 exactement, pour être précis. Mais la précision, c'est vraiment difficile. On attend les prochaines mesures du télescope Gaïa, mais je ne suis pas sûr qu'on aura une vraiment précision meilleure. Et je pense que la meilleure façon, c'est ce que disait Pierre tout à l'heure, pour mesurer la masse d'une étoile, la meilleure façon, c'est d'avoir une étoile qui tourne autour et de mesurer comment cette étoile tourne autour. Pour Bételgeuse, on ne sait même pas. Voilà. Bételgeuse est peut-être une étoile double, mais ça serait aussi difficile à déterminer. A priori, ce n'est pas le cas, mais... Pierre Carvalho, j'ai lu justement que, alors peut-être, alors j'ai pas lu ce que disait Éric Lagadec, mais j'ai lu en revanche que il y avait une hypothèse selon laquelle Bételgeuse aurait pu être une ancienne étoile double qui aurait fusionné. Alors oui, c'est une hypothèse qui est pas du tout exclue a priori, hein, pour une raison qui est assez simple, c'est que on sait que les étoiles de la masse de Bételgeuse, donc des étoiles plutôt massives, hein, se forment de manière très majoritaire dans des systèmes binaires ou plus, c'est-à-dire 3, 4, etc. Donc, statistiquement, il y a plus de 9 chances sur 10 que Bételgeuse ait été membre ou soit encore membre d'un système de 2 étoiles. Alors, ce qui est un peu frustrant et difficile, c'est que Bételgeuse est tellement brillante que un compagnon stellaire comme pourrait être le Soleil, hein, de cette étoile-là est complètement noyé dans sa luminosité et donc très très difficile à observer. Donc on ne peut pas pour l'instant savoir si c'est vraiment une étoile binaire. Il se peut également qu'elle ait fusionné avec un compagnon qui existait préalablement avant qu'elle devienne supergéante et donc qu'il soit à l'intérieur de l'étoile ou qu'il soit vraiment fusionné et qu'il forme plus qu'une seule étoile aujourd'hui. C'est-à-dire que s'il y avait effectivement un compagnon stellaire donc d'une plus petite taille, ça ne peut pas faire comme ce qu'on fait pour l'observation d'exoplanètes, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de méthode de transit puisque évidemment, comme le compagnon émet de la lumière, ça, il n'y a pas du tout de... Alors, on pourrait imaginer d'observer le transit d'une étoile devant une autre étoile. On le voit dans des étoiles qu'on appelle des binaires à éclipse. Ça se mesure assez bien. La difficulté, c'est que Bételgeuse est tellement immense que le passage d'une étoile qui serait de taille, on va dire, normale, devant le disque gigantesque de Bételgeuse ne donnerait pratiquement pas de signal. Et puis, il y a une autre difficulté, c'est que Bételgeuse étant variable, aller détecter la baisse de luminosité due au passage d'une étoile est impossible en pratique. Éric Lagadec, justement, parce que c'est quand on est à ces degrés de gigantisme et à ces échelles-là qui sont très difficiles à conceptualiser pour nous, par exemple, on dit que Bételgeuse est une étoile très grande, mais par rapport au Soleil ou par rapport à d'autres étoiles, on sait qu'il y a une autre étoile qui est très grosse dans la constellation d'Orion, qui est Rigel. Est-ce qu'on connaît des étoiles plus grosses que Bételgeuse? On est vraiment dans les étoiles les plus grosses? Donnez-nous un peu des éléments de comparaison. Oui, il y a des étoiles plus grosses. Juste pour vous donner une idée, Bételgeuse, dans son rayon, ça fait à peu près 1000 fois le rayon du Soleil. Donc imaginez, vous mettez Bételgeuse au milieu du système solaire, ça irait plus loin que la Terre et quasiment jusqu'à Jupiter, en fait. Si ça fait 1000 fois le rayon du Soleil, on peut aligner 1000 Soleils. Mais ça, c'est juste sur une distance, mais vu que c'est un volume, ça dépend du cube, on pourrait mettre 1 milliard de Soleil dans Bételgeuse. Je ne sais pas si vous arrivez à imaginer la taille de ce mastodonte dont parlait Pierre. Et il y a des étoiles qui peuvent être encore plus grandes, des étoiles hypergéantes qui peuvent atteindre encore 10 fois ce rayon à peu près. Donc il y a des étoiles la plus grande connue, c'est VGCMA, qui se trouve dans le Grand Chien, pas très loin d'ailleurs d'Orion. Et qui est donc un volume 10 fois supérieur à celui de Bételgeuse. En fait, si le rayon est 10 fois plus grand, il y a encore un facteur 1000, du coup. Oui, c'est ça, d'accord. Vu que le volume dépend du oui. cube. Du oui, rayon. Bien sûr, j'avais pas entendu si c'était le rayon, le volume. Non, c'était le rayon. D'accord. Comment est-ce qu'on peut déterminer aujourd'hui, puisqu'on dit qu'elle est en fin de vie, on sait que plus une étoile est grosse, plus sa durée de vie est courte. Comment est-ce qu'on estime justement son âge, alors justement, Pierre Carvalho? Bien, on peut regarder la luminosité de l'étoile et on regarde sa température. Et en utilisant ces deux quantités, on peut la placer dans un diagramme évolutif qu'on appelle un diagramme de Hertzsprung-Russell, qui est un diagramme très important en physique stellaire puisqu'il nous montre l'évolution d'une étoile au cours de sa vie, depuis sa formation jusqu'à sa vie d'adulte stable, jusqu'à ses derniers instants et jusqu'à son explosion. Donc quand on place Bételgeuse dans ce diagramme-là, on se rend compte qu'elle est effectivement, c'est une étoile en fin de vie, donc on le sait de cette manière. Et puis on peut estimer d'où elle vient, et estimer donc sa masse lorsqu'elle était une étoile, on va dire, normale, une étoile naine qui était dans son âge adulte. Voilà. Éric Lagadec, sur justement l'âge et notamment ce cycle, hein, parce que on dit effectivement il y a plein de choses qui sont assez contre-intuitives au niveau de la physique stellaire. Plus les étoiles sont grosses, par exemple Bételgeuse est très très grosse, mais elle est moins chaude que notre Soleil à nous. Voilà, c'est ça. Et aussi au niveau des durées de vie, parce que souvent c'était une des questions qui revenait souvent, que les gens comprenaient pas très bien. Donc le Soleil, il a à peu près 5 milliards d'années, il va encore vivre pendant 5 milliards d'années. Les étoiles plus massives que le Soleil vivent encore plus longtemps, et une étoile comme Bételgeuse a juste 7 millions d'années. Donc c'est quelque chose de très rapide, la vie d'une étoile massive, sur des échelles cosmologiques. Bien sûr, 7 millions d'années, ça reste long, mais pour une étoile, c'est très court. Alors, la question, et ce qui est passionnant avec cette étoile de Bethelgeuse, c'est qu'on appelle ça une étoile variable, une étoile semi-régulière. Qu'est-ce que ça veut dire, Éric Lagadec, une étoile variable ? Une étoile variable, c'est-à-dire que sa brillance change avec le temps. Donc si on regarde Bethelgeuse, on peut voir qu'il y a une sorte de pulsation qui dure à peu près 425 jours. Et il y a aussi une deuxième période qui fait à peu près 6 ans. Donc si vous observez Bethelgeuse, vous pouvez voir, c'est exactement ce qui s'est passé en ce moment. Là, vous regardez, il y a 2 semaines, elle était plus faible. Si vous regardez la constellation d'Orion, Bethelgeuse se trouve en haut à gauche et il y a Bellatrix en haut à droite, on voyait que Bethelgeuse était plus faible que Bellatrix. Bellatrix est maintenant à peu près au même niveau. Et si vous attendez un petit peu, elle va devenir plus brillante. Bellatrix qui est l'autre épaule. Hein. Voilà. Donc, allez-y, je vous en prie, continuez. Non, c'était juste pour dire que c'est même quelque chose qui est visible à l'œil nu. Vous savez, c'est ce que disait Pierre, mais avec des petits télescopes. D'ailleurs, les variations étaient observées par des astronomes amateurs. C'est une excellente collaboration qui se fait avec des astronomes amateurs un peu partout dans le monde, qui ont des télescopes, qui observent des étoiles. Et c'est ce qui s'est passé, c'est qu'en décembre, c'était le 7 décembre, si je me rappelle bien, il y a Ed Guinan, qui est un astronome américain à Villanova, à côté de Philadelphie, qui a annoncé que Bethelgeuse était au plus faible qu'on l'ait jamais observé. C'était grâce justement à des observations avec des astronomes amateurs qui scrutent le ciel tous les soirs avec leur télescope. Mais alors, Pierre Cavallet, des étoiles variables, Bethelgeuse n'est pas la seule, on en connaît. La variabilité qu'évoque Éric Lagadec, elle est cyclique. Donc peut-être d'abord parler un mot de ces étoiles variables. On sait à quoi est due cette variabilité, on sait ce qui se passe. Alors on sait en général ce qui se passe effectivement. Donc il y a beaucoup de types de variabilité dans les étoiles. Hein. On a des étoiles qui pulsent, hein, comme Bethelgeuse, c'est-à-dire qui gonflent et qui se dégonflent en changeant légèrement de température. Donc ça change leur luminosité globale. On a des étoiles qui se cachent l'une l'autre. Donc ce sont les binaires à éclipses. Et puis on a toutes sortes d'étoiles un petit peu exotiques, qui ont des variabilités dues à un environnement un petit peu complexe ou des choses plus externes à l'étoile. Dans le cas de Bethelgeuse, effectivement, ce type d'étoile, ce type de supergéante, on sait qu'elles sont sensibles, qu'elles sont sensibles à des oscillations. Elles peuvent osciller facilement. Et cette oscillation crée des variations de lumière. Et dans le cas de Bethelgeuse, effectivement, il y a une période d'un peu plus de 400 jours, une période plus longue de quelques années, 5-6 ans. Et ces deux périodes font une sorte de double cycle superposé qui fait varier, enfin qui aboutit à une variation de la luminosité apparente de l'étoile avec le temps. Et ça, on le suit effectivement depuis longtemps grâce aux amateurs en particulier. Je crois que c'est John Herschel en 1836 qui constate pour la première fois la variabilité de la luminosité de Bethelgeuse. Oui, tout à fait. C'est une étoile qui a une grande importance dans le ciel nocturne et c'est vrai qu'elle a été observée depuis très longtemps. Mais alors, Éric Lagadec, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on sait ? Est-ce qu'on a des hypothèses, voire, pourquoi pas, des certitudes sur les raisons de cette oscillation que vous décrivez l'un et l'autre ? Alors, des certitudes, vu qu'on est dans une émission qui s'appelle la méthode scientifique, je n'aurais pas de certitudes. Je pense que pour moi, la principe justement de la méthode scientifique, c'est de se poser des questions et d'essayer plutôt de montrer qu'on a des hypothèses, on essaye de montrer qu'on a tort. Et si on n'arrive pas à montrer qu'on a tort, on a peut-être raison, donc on n'a aucune certitude. On sait juste que ce qui s'est passé, donc il y a des images qui ont été obtenues par notre collègue Miguel Montargès, qui a été publié le 14 février, qui montrent qu'il y a la partie sud de l'étoile qui est moins brillante. Et pour ça, on a deux hypothèses. C'est soit qu'il y a des grandes cellules de convection. Donc la convection, c'est quoi ? C'est, imaginez, vous prenez une casserole, vous faites bouillir de l'eau, il y aura des bulles qui vont monter et redescendre. C'est ce qu'on appelle de la convection. Sauf que pour Bethelgeuse, ces cellules de convection, elles font à peu près la taille de l'étoile. Donc c'est quand même très très grand, sachant que l'étoile est 1000 fois plus grande que le Soleil. Donc c'est de la matière qui remonte et qui, en remontant, s'éloigne de l'étoile et du coup refroidit. Donc elle deviendrait plus sombre. Mais ce qui peut s'être passé aussi, c'est que de la matière peut avoir été éjectée et un peu plus loin et avoir formé de la poussière. Et si de la poussière s'est formée dans la ligne de visée, ça rendrait aussi l'étoile moins brillante. Et pour ça, on fait des modèles. Je suis sûr d'ailleurs que Miguel Montargès, en ce moment, est en train d'en faire pour essayer de de montrer si c'est de la poussière ou de la convection. Alors, plusieurs questions tout de même. La première, c'est que là, vous parlez effectivement de cette fameuse image du 14 février qui a déclenché les passions autour de Bételgeuse avec l'idée que ce serait peut-être l'annonce d'une supernova. Aujourd'hui, on l'a dit, ça s'est mis de côté, mais cette diminution de 70% de la luminosité, elle est quand même plus importante que les cycles dont vous parliez de 400 jours ou de 5-6 ans. Donc elle est un peu particulière, Pierre Carvalha. Oui, tout à fait. Alors elle est particulière et comme le disait Eric, on a eu cette alerte, on va dire, au mois d'octobre-novembre dernier. Parce que Bételgeuse, naturellement, elle évolue dans un canal qui est relativement étroit de luminosité, donc elle varie, mais elle varie de peu près une vingtaine, trentaine de pourcents, hein, et c'est quelque chose de relativement prévisible. Simplement, donc en octobre-novembre 2019, elle est sortie de ce canal habituel d'évolution, et c'est là qu'on a eu, disons, un espoir qu'il se passe quelque chose de très spécial, hein, qui s'est... mais en réalité c'est un événement relativement rare dans la vie de l'étoile, puisqu'on ne l'avait pas observé jusqu'à maintenant, hein, sur plus d'une centaine d'années d'observation. On n'a pas trace d'un tel affaiblissement de l'étoile, mais donc voilà, on a cet événement très très spécial qui nous a conduit à réaliser des observations très très variées avec beaucoup d'instruments très très importants, et maintenant effectivement on est dans la phase d'analyse de ces données-là de manière à tester nos hypothèses, et effectivement les hypothèses qui ont été présentées à l'instant, on va revenir là-dessus, mais j'aimerais qu'on continue à comprendre assez bien. D'ailleurs j'enjoins les auditeurs de jeter un œil au fil Twitter de l'émission @lamedofc, puisque vous avez un collègue astronome qui vient de publier une modélisation des mouvements de ces super géantes rouges qui peuvent expliquer justement une certaine forme de convection. Ce sont des modèles, hein, donc ça n'a rien à voir avec Bételgeuse, mais c'est assez agréable et surprenant à voir. Un mot tout de même, donc Eric Lagadec, sur ces phénomènes de convection. Donc on a bien compris que sur Bételgeuse, ce sont des phénomènes de convection immense, hein, je crois que, alors je parle sous votre contrôle, une dizaine de cellules de convection, là où, par exemple, le Soleil, il y en a aussi, mais infiniment plus petites. Juste pour vous donner une idée, à la surface du Soleil, il y en a à peu près quelques millions. Voilà. Donc la taille typique d'une cellule de convection sur le Soleil, ça fait à peu près la taille de la France. C'est assez grand, mais sur Bételgeuse, qui est donc 1000 fois plus grande que le Soleil, il y en a une dizaine, donc c'est des tâches qui sont vraiment gigantesques. Et alors, du coup, ces convections solaires, elles existent en fait sur toutes les étoiles, c'est un phénomène naturel, sauf que sur Bételgeuse, elles sont particulièrement grandes, c'est cela ? Éric Lagadec ? En fait, elles sont particulièrement grandes parce que cette étoile est très grande. Imaginez, elle fait à peu près, on a dit comme tout à l'heure, 15 ou 20 fois la masse du Soleil. Mais elle fait 1 milliard de fois son volume. Et la plupart de la masse se trouve dans le cœur. Donc quand on se trouve très haut, au niveau de la surface de l'étoile, la gravité est beaucoup moins forte et du coup ces cellules sont beaucoup plus grandes. Pierre Carvalha, on l'a dit, alors on parle beaucoup de Bételgeuse, mais des étoiles qui changent, dont la luminosité change de magnitude, on en connaît, et on connaît des étoiles qui varient beaucoup plus que Bételgeuse. Oui, absolument. On connaît des étoiles qui varient de manière cyclique, avec des amplitudes beaucoup plus grandes que ce qu'on observe sur Bételgeuse. Alors, la plupart de ces étoiles varient de manière plus ou moins régulière et n'ont pas d'éruption, on va dire, d'accident vraiment inattendu comme celui qu'on a vu sur Bételgeuse. Cela dit, il y a quand même des objets, des étoiles qui ont des comportements assez extraordinaires et assez originaux. Par exemple, je peux citer le cas de l'étoile R Corona Borealis, qui est une étoile tout à fait extraordinaire, tout à fait remarquable dans sa variabilité. C'est une étoile géante, on va dire pas vraiment super géante, hein, puisqu'elle fait à peu près une centaine de fois le rayon du Soleil. Mais elle a cette particularité que de temps à autre, de manière à peu près aléatoire, elle disparaît presque complètement du ciel. Alors, c'est une étoile qu'on peut apercevoir à l'œil nu, en temps normal, on va dire, quand elle est dans son état habituel. Et puis, de temps à autre, de manière aléatoire, elle disparaît quasiment complètement. Elle perd jusqu'à un facteur 4000 en luminosité, donc elle devient invisible à l'œil nu. Et c'est un exemple, parmi beaucoup d'autres, de variabilité tout à fait exceptionnelle des étoiles. Elle passe de magnitude 6 à 15, en sachant que plus la magnitude, plus on est proche de zéro, plus c'est lumineux. Donc c'est très important. Éric Lagadec, justement, là, sur cette... On va revenir dans un instant, hein, juste après la petite pause musicale, sur les hypothèses, pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe du côté de Bételgeuse. Mais finalement, on pourrait dire en quelque sorte que le comportement de Bételgeuse n'est pas si atypique que ça, en fin de compte. Non, il n'est pas si atypique que ça. Donc, ces étoiles supergéantes rouges, on les voit régulièrement varier. Mais des variations comme ça, on n'en a pas observé beaucoup, parce que, déjà, elles ne sont pas toutes surveillées. Les étoiles supergéantes rouges, il n'y a pas des surveillances comme Bételgeuse, qui est une étoile emblématique que tout le monde observe. Mais ça serait d'ailleurs quelque chose d'intéressant d'essayer de faire la même chose pour des étoiles comme d'autres supergéantes. Vous écoutez bien France Culture, Philippe Glass, à 16h32, Philippe Glass, Second Perception of Light, Moon and Mist. Pas vraiment de Moon, mais vous allez voir que Mist, c'est pas complètement invraisemblable compte tenu de l'histoire que nous vous racontons aujourd'hui, puisque nous parlons de l'histoire de l'étoile Bételgeuse qui a perdu brutalement 70% de sa luminosité, et nous racontons l'histoire de cette super géante rouge, de son présent et de son avenir. Nous en parlons avec Pierre Carvela, qui est astronome au Lesia, et avec Éric Lagadec, qui est avec nous en duplex des studios de France Bleu Azur à Nice, et qui est astronome adjoint, chercheur au laboratoire Lagrange de l'Observatoire de la Côte d'Azur. Alors, deux hypothèses, hein, pour le moment, Pierre Carvela et Éric Lagadec. Une première qui est celle d'une importante variation de la convection, et une deuxième qui est en fait une sorte de continuité de cette importante variation, et qui est l'expulsion d'un nuage de gaz qui donc se refroidit et oblitère du coup une partie de la lumière. Est-ce qu'on a aujourd'hui des éléments qui feraient pencher la balance d'un côté ou de l'autre, Éric Lagadec? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que avec cet événement pour Bételgeuse, on a eu de la chance. C'est-à-dire que Bételgeuse est une étoile très grande, comme vous l'a dit, elle fait à peu près 1000 fois le rayon du Soleil, mais elle est relativement proche, ce qui fait que c'est l'une des étoiles les plus grandes sur le ciel. C'est-à-dire qu'elle est à la fois grande et proche, ce qui fait que c'est l'une des rares étoiles, il n'y en a pas 10, que l'on peut directement imager avec des télescopes. Donc on a vraiment eu la chance, grâce à ça, de pouvoir faire des images. C'est pour ça qu'on a obtenu des observations assez rapidement. Je me rappelle... C'était au début décembre qu'on a commencé à parler de Bételgeuse. Avec Miguel Montargès, on se disait, est-ce que c'est vraiment sérieux ce qui se passe? Est-ce qu'elle est vraiment plus faible que d'habitude? Et juste au moment de Noël, on s'est dit, bon, on y va. On a eu des observations de manière express. C'est-à-dire que l'observatoire européen austral, d'habitude, il faut à peu près 6 mois pour obtenir des observations. Là, je crois qu'on a fait la demande le 27 décembre. Et le soir ou le lendemain, on avait les observations. Avec Miguel qui a réduit les données dès le lendemain. Et c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Ça nous permet vraiment de voir ce qui se passe. Parce que ça pourrait se passer sur une étoile plus loin. on aurait juste une courbe de lumière, on voit que la lumière est, que l'étoile est plus faible, mais là on arrive vraiment à faire des observations qui permettent de tester les différents modèles. Donc c'est vraiment ça qui est nouveau ici. Pierre Carvella. Oui, absolument. Alors, il y a effectivement ces deux hypothèses qui est soit d'une variation intrinsèque de l'étoile, c'est-à-dire due par exemple à la convection, où la surface de l'étoile deviendrait plus faible localement, soit une raison externe qui est par exemple la présence de poussière ou de gaz, ou de, plutôt un mélange de gaz et de poussière vraisemblablement, qui occulterait une partie de la lumière de l'étoile. Alors effectivement, on a des observations maintenant qui sont assez riches. Hein. Donc il y a un travail qui a été fait, on va dire très rapidement, par une chercheuse américaine qui s'appelle Emily Levesque, qui a montré que l'étoile avait peu varié en termes de température. Donc c'est quelque chose qui est important parce que ça met un petit peu en retrait la première hypothèse qui est celle d'une variation intrinsèque de l'étoile, de sa température, et privilégie un petit peu l'interprétation en termes de formation de poussière qui masquerait la lumière de l'étoile. Donc, pour l'instant, on est au stade où on privilégie une des interprétations par rapport à l'autre. On n'a pas encore totalement convergé, mais cette explication de formation de poussière qui masque l'étoile, pour l'instant, satisfait aux observations que l'on a. Donc, c'est une hypothèse encore valable, on va dire. Ce sont des travaux qui ont été prépubliés hein, sur le site Archive et qui ont été acceptés dans l'Astrophysical Journal Letters. Donc on peut dire que ce sont des travaux qui ont un certain poids et voilà, un certain degré de confiance. Tout à fait, ce sont des travaux tout à fait sérieux. Éric Lagadec, un mot justement sur cette option qui est en train de pencher, cette balance qui est en train de pencher du côté du nuage de gaz et de poussière. Ben, déjà, si on regarde, c'est des observations qui avaient été faites par Pierre il y a quelques années. Donc des observations avec un instrument qui s'appelle Vizir sur le VLT, qui sont donc des instruments, des observations infrarouges sur le Very Large Telescope. Sur le Very Large Telescope au Chili, c'est ça. Donc c'est des observations qui permettent de mettre en évidence la présence de poussière autour de cette étoile à des grandes échelles. Donc on voit que cette étoile forme régulièrement de la poussière qui se trouve autour. Là, les observations qu'on voit montrent qu'il y a une obscurcition qui pourrait être dû à fait que, imaginez que la poussière se forme dans différentes directions de manière aléatoire. Cette fois-ci, la poussière se serait formée dans notre direction. Et les modèles que nous faisons semblent pouvoir expliquer toutes les observations que nous avons avec ces modèles où on met de la poussière. Maintenant, il reste encore à finir notre travail et publier ça, mais c'est assez prometteur. Pierre Carvella. Tout à fait. Alors, on a effectivement observé la présence de beaucoup de poussière autour de Bételgeuse. Ça, c'est quelque chose qui est bien établi. Hein. D'ailleurs, ce n'est pas la seule étoile de ce type autour de laquelle on a vu beaucoup de poussière. Les étoiles évoluées en général perdent de la matière, perdent du gaz qui se condense progressivement en molécules et ensuite en poussière et on les retrouve en général autour de ces étoiles. Simplement, il y a différents niveaux de formation de poussière. Il y a des étoiles comme Bételgeuse ou sa jumelle qui s'appelle Antares, hein, qui est une autre étoile brillante du ciel, qui sont à peu près identiques et qui, elles, ont des enveloppes de poussière relativement peu denses, donc qui ne cachent pas l'étoile elle-même. Et puis, on a des exemples d'étoiles beaucoup plus extrêmes, comme par exemple VY Canis Majoris, qui était une étoile que vous avez mentionnée. Effectivement, cette étoile-là, elle est beaucoup plus violente. Elle perd de la matière de manière beaucoup plus forte que Bételgeuse. Et non seulement elle produit beaucoup de poussière, mais cette poussière devient tellement dense qu'elle cache l'étoile. Elle cache l'étoile elle-même. Et donc, on est dans une configuration où l'étoile est derrière un nuage de poussière, on va dire. Et c'est assez crédible pour Bételgeuse d'avoir cette formation-là de poussière, considérant justement cette palette, on va dire, d'environnement stellaire qu'on connaît. Et Miguel Montargès, votre collègue qui nous suit, puisque vient de reposter un tweet sur le fil Twitter, on le salue évidemment. Un mot peut-être pour justement cette production de gaz et de poussière, c'est spécifique aux géantes ou aux supergéantes rouges? Toutes les étoiles, notre Soleil en produit aussi un petit peu? C'est vraiment lié à une forme d'activité de réaction thermonucléaire très puissante et très violente, Pierre Carvella? Il y a différentes étoiles qui produisent de la poussière. Ce qui est vrai, c'est que les étoiles évoluées, c'est-à-dire les étoiles en fin de vie, sont celles qui en produisent le plus. Que ça soit des étoiles de relativement faible masse, hein, comme le Soleil, quand il va terminer en fin de vie, il va éjecter la plupart de sa matière dans l'espace. Cette matière va former de la poussière. Et c'est aussi ce qui se passe pour des étoiles plus massives comme Bételgeuse, qui éjectent de la matière en fin de vie, qui sous la forme de supernova. D'abord, elles en perdent avant d'exploser, puis ensuite, elles terminent en supernova. Et dans tous les cas, il y a une formation de beaucoup de poussière qui se disperse dans l'espace. Effectivement, c'est un scénario qui est tout à fait simple et établi, sachant que les étoiles évoluées sont vraiment les contributrices principale à la formation de poussière. Alors bien, du coup, si on comprend que ces formations de gaz et de poussière sont importantes, on comprend évidemment qu'il faut pouvoir les étudier et étudier ce qu'on appelle cet environnement direct, cet environnement circumstellaire. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes allé voir justement comment on peut étudier ce qu'il y a autour de ces étoiles massives ou non, de ces étoiles évoluées, comme vient de le dire Pierre Carvella, à l'Observatoire de Paris. Oui, car Bételgeuse, avec son vieillissement, perd de sa masse. Et à mesure qu'elle éjecte sa matière dans l'espace, un panache de poussière se forme progressivement autour d'elle. Alors quel est le lien entre la formation de ce nuage et le destin de Bételgeuse? Et quelle est la dynamique de ces deux corps en transition? Pour étudier ces phénomènes, Thibault Lebertre observe dans le domaine radio. À partir de données de grands radiotélescopes dans le monde, il observe cet écosystème périphérique qui participe au cycle cosmique de la matière, un processus à l'origine des futures étoiles. Nous travaillons en radioastronomie et nous observons les astres tels que Bételgeuse dans l'arrêt de l'hydrogène atomique qui se trouve en longueur d'onde 21 cm, en fréquence c'est 1400 MHz. Alors dans l'arrêt à 21 cm de l'hydrogène, on étudie l'environnement circumstellaire de Bételgeuse, donc le nuage qui s'est formé par ce phénomène de perte de masse au cours des 100 000 dernières années. Et donc on essaye de décrire cette interaction entre le vent stellaire et le milieu interstellaire, interaction qui conduit à l'injection de matière d'origine stellaire dans le milieu interstellaire et donc par là au cycle, ce qu'on appelle le cycle cosmique de la matière, c'est-à-dire les étoiles éjectent de la masse qui est éventuellement enrichie en éléments nouveaux processés dans les intérieurs stellaires et réalimente le milieu interstellaire en matière donc qui a évolué, et cette matière après va servir à refaire de nouvelles étoiles qui, donc, vont avoir une composition chimique différente des premières étoiles. Donc on a ce que l'on appelle ce cycle cosmique de la matière, où des nouvelles étoiles se forment à partir des éjectats provenant des vieilles étoiles. C'est-à-dire que c'est un nuage formé de poussière qui a été expulsé de Bételgeuse et qui reste en mouvement constant par rapport à sa période orbitale? Alors absolument, c'est un nuage de poussière et de gaz, et il accompagne l'étoile dans son mouvement à travers le milieu interstellaire, et peu à peu, du fait de l'interaction avec le milieu interstellaire, non seulement le vent est ralenti, mais le nuage est érodé. Donc on peut avoir des traînées de gaz et de poussière associées à ces étoiles dans le milieu interstellaire. Est-ce que cette dynamique de formation de nuages à partir de la matière éjectée est caractéristique des supergéantes rouges? Alors les supergéantes rouges contribuent énormément à cette dynamique, à ce cycle, et notamment à la fin de leur vie, lorsque brutalement elles explosent et rejettent des quantités énormes de matière dans le milieu interstellaire. Et notamment c'est dans cette phase qu'elles enrichissent le milieu interstellaire en nouveaux éléments tels que le fer et les éléments plus lourds que le carbone et l'oxygène. Alors de quelle manière on étudie ce nuage de poussière qui est formé par Bételgeuse? Alors ces nuages de gaz et de poussière, on peut les observer soit en infrarouge pour l'émission thermique des poussières, soit en utilisant les techniques de la radioastronomie pour le gaz. Et donc ce que l'on fait, c'est que la spectroscopie permet d'obtenir des profils de raies à très haute résolution qui nous donnent des informations sur l'hydrodynamique du gaz autour de Bételgeuse. Et puis l'imagerie permet de voir quelle est la forme de ce nuage de gaz autour de Bételgeuse. Donc ça, c'est ce que l'on obtient avec l'interférométrie radio en utilisant des réseaux d'antennes tel que celui du Very Large Array ou ALMA au Chili. Donc voici une image, un schéma qui nous représente l'étoile centrale éjectant de la matière avec un vent qui a une vitesse de l'ordre de 15 à 20 km par seconde, entouré de ce nuage quasiment stationnaire qui résulte du freinage par le milieu interstellaire du vent stellaire. Et puis autour, on a le milieu interstellaire dont la pression maintient ce nuage circumstellaire stationnaire par rapport à l'étoile. Donc nous observons cet ray avec le radiotélescope de Nancy, dans le centre de la France, où nous faisons de la spectroscopie à très haute résolution spectrale, et avec le grand radiotélescope, le VLA, qui est situé aux États-Unis dans le désert du Nouveau-Mexique. Cependant, la raie à 21 cm est une raie très faible, et donc il faut attendre les radiotélescopes de nouvelle génération qui vont se développer, tels que le radiotélescope SKA, le Square Kilometer Array, qui aura la sensibilité et la résolution spatiale qui permettra de gagner un facteur important par rapport aux observations actuelles. Et le NGVLA, le VLA de nouvelle génération dans l'hémisphère nord. Et c'est des projets, tous les deux, très enthousiasmants. Voilà l'étude de cet environnement circumstellaire à l'Observatoire de Paris. Peut-être une réaction l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre, Pierre Carvela. En fait, l'environnement de ces étoiles évoluées nous raconte énormément de choses sur leur fin d'existence. Comme cela a été dit, les étoiles évoluées et la formation de poussière sont des éléments indispensables à la formation des futurs systèmes stellaires, des futures planètes en particulier. Et il faut savoir que la matière qui nous entoure, la matière qui constitue la Terre, a été un jour, dans le passé très lointain, produite par ce type d'étoiles supergéantes ou géantes rouges. Donc c'est une histoire, le cycle de la matière dans l'univers est une histoire extrêmement importante pour jusqu'à l'apparition des planètes et l'apparition de la vie. Nous sommes tous faits de poussière d'étoiles, comme disait l'autre. Éric Lagadec, un mot justement sur ce reportage? C'était pas de moi, nous sommes de poussière d'étoiles, mais oui, c'était exactement ce que j'avais en tête. Je pensais à Hubert Reeves en écoutant ça. Et c'est Hubert Reeves qui disait ça, vrai. Je me demandais qui, avec fait, qui était cette station. L'origine, ça vient de Carl Sagan, je pense. Oui, c'est ça. Mais celui qui l'a popularisé en France, et qui m'a même donné envie de faire d'astronomie, c'était Hubert Reeves. De comprendre comment se forment ces poussières d'étoiles, et maintenant de se retrouver à les étudier. C'est un beau cycle aussi. En fait, ce qui est beau, c'est de voir justement que là, on voit ces nuages de gaz qui sont éjectés par les étoiles, et le gaz devient assez froid et dense pour pouvoir former de la poussière, et voir que possiblement, on est en train de le voir en direct, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Alors peut-être pour conclure, puisque nous sommes dans les dernières minutes de cette émission, on parle donc évidemment beaucoup de Betelgeuse, mais je le disais tout à l'heure, on a eu quelques exemples par Pierre Carvela ou Éric Lagadec, il y a d'autres de ces super géantes rouges que l'on peut observer et qui ont des comportements au moins tout aussi étranges, voire encore plus incompréhensibles, parce que finalement de ce qu'on entend, ce comportement de Betelgeuse pour le moment, il a l'air d'être tout à fait conforme à ce que l'on attend, même si effectivement peut-être que cette obfuscation était un peu supérieure à ce que l'on imaginait. Pierre Carvela. Alors oui, Betelgeuse c'est une super géante rouge plutôt tranquille en réalité. Hein. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on a été surpris en fait par cette baisse de lumière pour une étoile qui finalement d'habitude est plutôt parmi les plus calmes de sa catégorie, on va dire. Donc c'est vrai que je parlais tout à l'heure de VY-CMA. C'est un exemple d'étoile qui perd beaucoup plus intensément de la matière que Betelgeuse. Elle forme énormément de poussière, il y a des phénomènes de création de molécules très variées dans son environnement. C'est une étoile qui, elle, est beaucoup plus agitée que ne l'est Betelgeuse. Éric Lagadec, parce que on attendait effectivement, pardon, un peu comme le lait sur le feu, la possibilité d'observer, et puis surtout de cette étoile visible à l'œil nu, une éventuelle supernova que l'on annonçait comme étant visible même en plein jour, devenant l'objet le plus lumineux dans le ciel après le soleil. Aujourd'hui, vous disiez tout à l'heure, des supernovas, on en voit presque tous les jours ou toutes les semaines, ça veut dire qu'on peut les observer, mais elles sont très très loin. Qu'est-ce que ça changerait d'avoir une supernova dans un environnement cosmologique relativement proche comme les Betelgeuse? Déjà, je pense que c'est un petit peu le rêve de tout astronome de s'imaginer un soir, on est en train de regarder le ciel, on voit une nouvelle étoile qui apparaît, revivre ce qu'ont vécu les Chinois en 1054 quand ils ont observé pour la première fois une supernova, ou Tycho Brahe en 1572. J'ai même des collègues qui me disaient que s'il y a une supernova dans le ciel, on pourrait même lire de nuit une nuit où il n'y a pas de lune. Mais pour nous, en tant qu'astronomes, ce qui serait intéressant aussi, ça serait de pouvoir observer quasiment en direct l'évolution de cette supernova, de voir la matière éjectée, de pouvoir observer des changements toutes les semaines. Ça se fait assez régulièrement, c'est-à-dire que des supernovas, on en observe régulièrement dans la mesure où on a des catalogues du ciel qui sont faits quasiment toutes les nuits, on cherche des variations, et là on arrive à observer des supernovas jusqu'à plusieurs milliards d'années-lumière, mais en avoir une qui se trouverait juste, entre guillemets, dans notre jardin, ça serait quelque chose d'exceptionnel pour nous astronomes. Pierre Carvela, quelle différence? C'est juste la qualité de l'observation? C'est juste un plaisir parce que c'est juste là et qu'on verrait évidemment qu'on pourrait obtenir des images en lumière visible, ce qui changerait tout parce que celles que vous les observez dans un spectre qui n'est pas du spectre visible, je suppose, aussi? Alors, on observe également en visible les images qui ont été publiées dernièrement où on voit l'étoile masquée en partie, c'est de la lumière visible. C'est quelque chose qu'on verrait si on avait des yeux de 8 mètres de diamètre et de 100 mètres de focale. Donc, c'est une drôle de tête, mais ce serait utile. Ça serait des très très grosses jumelles, voilà. Mais effectivement, ce qui serait extraordinaire dans le cas de Bethelgeuse, c'est la proximité de cette étoile par rapport aux précédentes supernovae. Si on regarde par exemple Tycho et Kepler, donc qui sont 16e, 17e siècle, elles sont situées typiquement à 7000 et 15000 années-lumière. Pour Bethelgeuse, on parle de 700 années-lumière, donc c'est une distance qui est beaucoup, beaucoup plus petite. Du coup, la luminosité serait évidemment beaucoup plus forte, serait spectaculaire, on parle d'une luminosité au pic, qui serait de l'ordre de la luminosité de la pleine Lune, à peu près, mais concentrée dans un tout petit point du ciel. Et donc, ça serait une opportunité fantastique pour observer, grâce aux moyens qu'on a aujourd'hui, parce que c'est aussi les progrès techniques qui nous donnent des moyens d'observation, comme le VLT, comme l'optique adaptative, et comme des radiotélescopes géants, comme le ALMA au Chili, on pourrait observer en temps réel la croissance de la boule de feu, la croissance de la matière éjectée par l'explosion, pratiquement d'heure en heure, et de jour en jour. Donc on aurait une vision directe sur le fonctionnement, la manière dont la matière de l'étoile se disperse dans l'espace, la création de nouveaux éléments lors de l'explosion. On parle des éléments lourds, des atomiques lourds. Au-delà du fer. Qui se créent lors de cette explosion. On pourrait voir en temps réel où ils se forment, quelle quantité, quelle énergie, etc. Oui, donc ce sera évidemment un spectacle scientifique absolument essentiel et très important. On parle de Bethelgeuse, on sait que vraisemblablement ce n'est pas la meilleure candidate à une supernova dans la proximité galactique qui est la nôtre. Est-ce qu'il y a d'autres étoiles qui sont plus proches de leur fin de vie que l'on surveille justement un peu comme le lait sur le feu, Pierre Carvela? Alors, tout à fait. Il y a une étoile qui vient immédiatement à l'esprit, c'est Eta Carinae, Eta de la constellation de la Carène, qui est une étoile de l'hémisphère sud. Donc, c'est une étoile qu'on pense être d'une masse extraordinaire, de l'ordre d'une centaine de fois la masse du Soleil, donc encore beaucoup plus que Bethelgeuse. C'est une étoile qui est particulièrement instable, du fait de sa très grande masse et de sa très grande luminosité. Et on pense qu'au 19e siècle, on a observé une quasi-explosion de l'étoile, un événement très très fort d'augmentation de lumière, et on pense qu'à cette occasion-là, elle a presque explosé. C'était pas une vraie supernova, mais elle a eu une explosion déjà très violente, et compte tenu de sa très courte durée de vie, Eta Carinae, on pense que c'est une candidate pour une explosion beaucoup plus proche encore que Bethelgeuse. C'est-à-dire ? Alors, difficile d'évaluer, mais pour avoir un ordre de grandeur. Ça se compte en milliers d'années, mais c'est peut-être 10 000, peut-être voilà, maximum 100 000 ans, mais c'est quelque chose de proche, vraiment à l'échelle de l'évolution stellaire, c'est quelque chose de proche. Après, c'est vrai qu'à l'échelle de la vie humaine, c'est toujours un peu. Ça sera pas pour nous. Éric Lagadec, justement, donc, Eta Carinae, Bethelgeuse, il y a d'autres étoiles qui pourraient. Est-ce qu'on pourrait se faire surprendre, par exemple? Est-ce qu'on pourrait d'un seul coup voir exploser, voir une supernova apparaître dans le ciel nocturne sans qu'on l'ait prévu, sans qu'on y ait fait attention? La dernière supernova dans la galaxie, c'était il y a une centaine d'années. Et ça, on l'a pas vu, parce que déjà, c'était derrière le centre de la galaxie, donc on n'a pas pu le voir. Il y a aussi des étoiles, il y a différentes façons de se poser en supernova. Il y a des étoiles massives qui s'effondrent sur elles-mêmes, ou des étoiles mortes comme le Soleil, qui ont un compagnon, qui accrète de la matière, et qui d'un seul coup explose aussi. Et celle-là, ça serait plus difficile à prévoir aussi, donc. Le nom qui revient, c'est une discussion que j'ai eue avec Philippe Narejos de Ciel et Espace la semaine dernière. On essaie de classer justement les 10 candidats possibles, et la conclusion, c'était que c'est difficile de savoir parce qu'on pourrait être surpris. Je ne demande qu'à être surpris d'ailleurs. Parce qu'on parle d'explosion de supernova, on sait aussi que de temps en temps, il y a des étoiles supermassives qui s'effondrent immédiatement en trou noir. Est-ce qu'on est sûr, par exemple, que Bételgeuse ou Eta Carinae ne va pas d'un seul coup directement, c'est-à-dire disparaître, sans qu'on puisse assister à ce fameux spectacle que vous décriviez? Alors, dans le cas de Eta Carinae, c'est effectivement une hypothèse qui peut se présenter. Donc, c'est un concept relativement nouveau, hein, qui a été introduit assez récemment, qui est crédible, qui est supporté par des observations qui ont été faites d'étoiles très brillantes dans des galaxies lointaines qui ont apparemment disparu. Alors, est-ce que c'est la seule interprétation, le fait qu'elles ont été absorbées par un trou noir, qui se sont effondrées dans un trou noir? C'est une possibilité réelle. Dans le cas de Bételgeuse, en fait, comme la masse de Bételgeuse n'est pas suffisante pour former un trou noir, très vraisemblablement, en fait, l'étoile va former lors de son explosion, le cœur va s'effondrer, va former ce qu'on appelle une étoile à neutrons. Une étoile à neutrons, ce n'est pas assez massif pour faire un trou noir. Et donc, la matière ne va pas être absorbée sur l'étoile à neutrons. Elle va rebondir sur ce cœur qui est très dur. Elle va rebondir et donc être diffusée dans l'espace et faire une vraie supernova. Donc, pour des étoiles beaucoup plus massives, on peut envisager ce scénario d'effondrement, de disparition dans un trou noir de l'étoile sans explosion. Mais pour Bételgeuse, a priori, non. Éric Lagadec. Oui, je le confirme, mais c'est juste pour vous donner une idée. Une étoile à neutrons, donc ce qui restera de Bételgeuse, c'est quelque chose de très dense. Tout à l'heure, je vous ai dit, Bételgeuse, elle a fait à peu près 1000 fois le rayon du Soleil. Donc, au niveau du volume, on pourrait y mettre 1 milliard de Soleils. Au moment où elle va s'effondrer, le cœur deviendra plus petit que la ville de Paris. Donc, ça sera vraiment une quantité de matière énorme. Donc, vous prenez une petite cuillère à café, ça fera quelques millions de tonnes. Donc ça sera vraiment quelque chose de très dense, mais pas assez dense pour former un trou noir. Si une supernova se produit dans notre environnement proche, est-ce que c'est uniquement à travers le spectre visible qu'on s'en rendra compte? Qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce qu'on sera alerté, en fait, qu'un événement de cette ampleur-là vient de se produire dans un environnement proche, c'est-à-dire de l'ordre de quelques centaines, milliers d'années-lumière? A priori, la première chose qu'on va recevoir, ce sera des neutrinos. C'est-à-dire qu'au moment où l'étoile va s'effondrer, l'étoile va émettre à la fois des photons et des neutrinos, qui sont des petites particules très énergétiques et qui n'interagissent pas du tout avec la matière. La lumière interagit avec la matière, donc la lumière arrivera un petit peu après les neutrinos. Un petit peu, c'est-à-dire combien de temps? Quelques heures, a priori, je crois qu'en 1987, quand une supernova a explosé dans le grand nuage de Magellan, les neutrinos étaient détectés quelques heures avant. Donc si on regarde Bételgeuse et qu'on n'a pas reçu de neutrinos, il n'y a pas de signe qu'elle va exploser. Un mot pour conclure, Pierre Kervella. Oui, alors effectivement, les neutrinos seront des messagers annonciateurs de l'explosion. Hein, et effectivement, si on en détecte une gerbe dans la direction de Bételgeuse, ça nous incitera immédiatement à observer l'étoile pour tenter de voir son explosion. Après, donc, il y aura un déferlement de toutes sortes de messagers électromagnétiques, hein, donc des photons à toutes les gammes d'énergie. Donc, un mot pour rassurer les esprits chagrins, on sait qu'ils sont nombreux en ce moment. De toute façon, ça ne nous met pas en danger. Si jamais Bételgeuse explose, il n'y a pas de risque que ça nous fasse bronzer un peu trop? Non, absolument pas. Il n'y a aucun risque. Le spectacle serait extraordinairement beau à voir et sans danger, heureusement. Merci beaucoup à tous les deux. Si vous voulez en savoir plus sur les supernovae, on vous met le lien. Je crois qu'il a déjà été posté sur le fil Twitter de l'émission. On avait consacré une heure entière et on en consacrera bien d'autres parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ces événements intersidéraux extraordinaires. Merci à tous les deux. Merci Pierre Kervella. Merci Éric Lagadec. Merci à nos camarades de France Bleu Azur à Nice pour le duplex. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Noé Naguet de Saint-Ville-France, Céline Lezenne, Natacha Triou, Alexandra Delbo, Olivier Bétard à la réalisation, Alex Dang à la technique. Demain, nous passerons des abattoirs au laboratoire. Comment nourrir une planète de 10 milliards d'êtres humains? Eh bien, peut-être en produisant de la viande in vitro. On passe du labo à l'assiette demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.